2013, on part ça dans 5 secondes. Salut tout le monde, c'est le Big Ben. Et Antithèse. Retro Gamer PQ. Et Tester Alpha. Pour le podcast des Acros, nous sommes l'édition du 27 août 2013. Salut tout le monde, comment ça va? Hey. Ça fait un mois que je suis marié. Ça fait un mois que je suis marié. Allez tout le monde. Ok. Alors, quoi de neuf? Quoi de neuf? Depuis la semaine passée ou depuis... Depuis la semaine passée, quoi. Hein? Écoute, on a... Depuis la semaine passée, moi j'ai juste travaillé, dans le fond, là. On a une journée très cool. Bien intéressant à dire, là, excusez. Pas trop. Prépare mes vidéos pour... de mon côté, prépare mes vidéos pour septembre et octobre. Mm-hmm. La prochaine, tu devrais c'est quasiment prêt, j'aurais voulu avoir l'avis de quelqu'un avant de la sortir, fait que... Ah bon. Et toi, Rétro, de ton côté? Comme testeur, moi je travaille, puis Chris, 8 à 5, puis c'est ça. Mais j'ai eu le temps de jouer à Splinter Cell Blacklist. Puis comment tu trouves ça? Quand même pas pire. Ouais? C'est du comme les bons. Ils sont revenus au Splinter Cell des débuts, là, tu sais, que tu peux tout faire la game en stealth, là, si tu veux, là. Oh, ça, c'est intéressant. T'as le choix, là. Tu peux foncer dans le monde comme tu veux, tu peux les tuer ou tu peux juste les assommer ou tu peux faire ce que tu veux. C'est intéressant. Vous jouez à d'autres choses, autres, les gars? Non. Si Project Cross Zone, si je te dis Bayonetta, si je te dis Mario Party, si je te dis Super Mario... avec ma fiancée, est-ce que ça va t'étonner ou pas pantoute? Non, pas pantoute, mais c'est correct, c'est le fun que tu puisses le dire. Ah. Moi, de mon côté, je suis énormément sur... je suis en train de finir Shadowrun Return sur PC. Sinon, je suis encore à tonne de bras dans Borderlands 2. Et sinon, ben, j'essaie de finir Mass Effect 3 aussi. Donc, j'aimerais bien ça finir... pas Mass Effect 2. Pour que je puisse embarquer dans le 3. Je me garage dans trop de jeux, on dirait. Fait que, mais c'est pas grave. Oui, c'est des très bons jeux. Ah, c'est des très bons jeux. Ça me fait remplacer WoW, fait que ça fait du bien. Puis ça, c'est déjà difficile. T'as un bon jeu, là. C'est juste triste de pas pouvoir les faire tout en même temps. C'est vrai. Et ça me fait penser à quelque chose que Tester m'a dit. On a tellement de jeux, on n'a pas le temps de tout y jouer. Puis ça fait comme. Ça fait quoi? Je suis d'accord avec toi. Écoute. Tu t'organises, t'es carré de tout ça. Écoute, je te comprends parce que, vois-tu, juste ici à côté de moi, j'ai une pile de backlogging de jeux qu'il faut que je joue. C'est juste ma pile PSP, là. my! T'as jamais le temps de jouer à ça, là. J'aurais jamais le temps de finir ça, c'est clair. Je te comprends tellement. C'est dur la vie, on a même pas le temps pour jouer à nos jeux. Comment tu fais tes jeux de PSP pis de DS? D'un autre côté, si on travaillait pas, ben on aurait pas de jeu. Fait que... Ouais, c'est ça, mais là c'est parce que quand on était enfant, on achetait un jeu, on le jouait. Là on est adulte, on achète un jeu pour qu'il soit sur nos tablettes. Ah ouais. C'est vrai! J'ai ça vu va un mème. Bien pareil sur ma tablette. Il y a beaucoup de mèmes comme ça, ouais. J'ai vu un meme cette semaine, c'est ça que ça m'a fait penser totalement. J'ai fait, ben oui, c'est moins ça. Mais bon. C'est pas mal tout aussi nous. C'est ce que je voulais dire. Antithèse, est-ce que tu m'aides avec le monde qui sont sur YouTube en ce moment? Parce qu'il y a énormément de monde qui nous jase. Alors, ouais, on va aller dire un petit bonjour à notre gang. J'étais en train de regarder un petit peu, oui. Alors, j'ai Philippe Saint-Jean qui. Tout. Hein? Une belle partie malgré tout. Mm-hmm. Je vais commencer avec Philippe Saint-Jean qui dit bravo à Beta pour sa première vidéo de jeu de hockey. C'est vrai que c'était très bon. C'était hilarant. On a vraiment aimé ça. Sinon, c'était dans l'angle QG qui est un gros ami des accros puis de Tester Alpha. Ben oui. Salut Stanalone. Salut Stanalone. Allô. Alors, on a Georges 6 aussi. On a Doctor Who Glee Lover. Salut toi. On a Final Games RPG 91. Kevin Doré Poudrier. On a War Can Be Brave. On a Rad, parce que Rad est Rad. Rad est Rad. Effectivement. Erad trouve Knight le t-shirt de Retro Gamer PQ. Oui, il est très joli. Alors, on va falloir que tu nous en jases un petit peu, là. T'as un très beau t-shirt, là. Est-ce que c'est seulement une édition limitée ou tu vas en vendre à tout le monde? Ben ça, c'est l'édition bêta, parce que je voulais voir ce que ça donnait comme résultat et ça donne un résultat exceptionnel. Attends! Est-ce qu'il dit des jokes plates? Non, tu sais... est-ce que le monde a envie de te flatter sur ce t-shirt, là? Puis en plus, tu sais, je peux me promener avec, puis il y a mon adresse en arrière. C'est brillant. Tu connais pas l'adresse de ta maison par cœur? Non, mais c'est pour que plus le monde puisse me stalker chez nous, tu sais. Ah, ok. Ah ben oui, c'est une bonne idée. Ah, ben ouais, hein. sinon, c'est ça, on a Doctor Who Glee Lover qui dit que son père faisait la même chose que nous autres. Qui avait la tendance à pogner les nerfs avec les gens de Belle. Effectivement. Ah, ben, je pense que c'est un sport national au Québec, ça, pogner les nerfs après Belle. Je pense que tu allais dire qu'il fait la même chose que nous autres, collectionner des jeux et crisser ses tablettes. Bon, ça, je pense que c'est à peu près toute la gang des accros qu'on est. Ouais, c'est ça. Alors, on va embarquer dans... on embarque dans les nouvelles? Ben oui. Nouvelles et trucs, ouais. On va embarquer dans nos nouvelles. On a une couple de nouvelles cette semaine qui sont pas mal intéressantes. On va commencer avec mes fans de Castlevania, mes deux gars ici, Antithèse et Retro Gamer PQ. Nous. On a eu quelques informations à propos de deux choses sur Castlevania. D'abord, on va avoir une collection Castlevania Lord of Shadow qui va sortir le 31 octobre. Tu parles collection quoi? Tu parles pour le premier? Le premier, ça va inclure Castlevania Lord of Shadow, le DLC Lord of Shadow Reverie, Lord of Shadow Resurrection, un code pour télécharger Mirrors of Fate HD, et tu vas pouvoir télécharger également la démo de Castlevania Lord of Shadow 2. Qu'est-ce que t'en penses dans cette thèse? Ça vaut pas tant la peine que ça. C'est ça. Moi, faudrait que je finisse le 1 en premier. J'ai déjà le collecteur du premier, puis j'ai déjà les DLC. Puis... C'est ça, t'es. Il était bon. Mais est-ce que pour quelqu'un qui veut embarquer dans Castlevania, est-ce que ça vaut la peine? À ce moment-là, oui, c'est il y a sûrement qu'il n'y a pas le jeu. C'est dans le fond la seule condition. Donc, je pense que c'est justement ça le but d'avoir mis. Ben oui. On a, en plus de promouvoir la venue de Castlevania Lord of Shadows 2, qui sort probablement vers les novembre-décembre. Ouais. On a une autre nouvelle par rapport à un des personnages jouables de ce jeu, du deuxième Lord of Shadows. Ça va être Victor Bellman. Oh! Qui est Victor Bellman, antithèse? C'est un carrément, corrige-moi si j'ai tort, rétro, c'est carrément un nouveau des nouveaux. Hein? Ouais, je pense que c'est un nouveau. C'est un nouveau parce que tu penses à Trevor slash Ralphy, le grand-père de Simon, en guillemets. T'as Simon qui est l'icône des jeux de Castlevania. Victor Belmont, là. Ouais. C'est peut-être. C'est-tu un nouveau vraiment? Ouais, ça se peut. Ben, il disait qu'il était censé d'apparaître dans la version Dreamcast d'un jeu de Castlevania qui a été cancellé. Ah, Resurrection? Ouais. Mais non, Resurrection, c'était en vedette. Attends, non, je pense que t'as raison. Non, c'est vrai, c'est Victor Belmont de la version Dreamcast. Finalement, ouais. C'est pas un nouveau personnage, mais un personnage qui n'a pas été utilisé. C'est ça. Fait qu'il existait dans l'univers, mais il était juste pas utilisé depuis ce temps-là. Effectivement, c'est dans le jeu, c'est que t'étais supposé aussi de jouer avec Sonia, puis de voyager dans le temps. C'est vrai. Mais ça, est-ce qu'il va prendre les concepts de Resurrection pour l'intégrer dans... Non, j'espère que non. Asti, que je t'en ai des astis de patentes de retourner dans le temps, tabarnak. Ça se peut pas faire un autre Castlevania Judgment, ça repart, asti. Eh non, ça j'avoue tellement, là. Ouais. Et tabarnak. Pitié, ayez pitié de nous. Mais je pense que Mercury Steam, ils savent mieux... Non, ouais, c'est clair, là. Pas d'avant tout ça. De toute façon, on sait tout, ça va être qui l'autre personnage principal. Ben oui, ça va être mon oncle Serge. Mon nom Serge. Tu vas chanter Marijuana. Bon, une autre nouvelle. Bon, ça a l'air qu'il y a une gang de personnes, moi j'en suis pas un, mais qui adore Grand Theft Auto 5, mais qui ont hâte d'y jouer. Eh ben, bonne nouvelle, il est fini. Ils l'ont terminé. Alors, il sort officiellement le 17 septembre prochain. Alors, il vient de passer l'étape Gold, ce qui veut dire que le développement du jeu est terminé. Puis qu'en ce moment, c'est juste la production du titre. C'est tout ce qui reste. Yeah! On va pouvoir enfin payer des pubs virtuels! Puis rentrer dedans pour aller chercher de l'argent. C'est dans très exactement 3 semaines, ça, ma petite gang de GTA. Pour combien faire... de temps? 3 semaines exactement. En 3 semaines. Mais c'est vraiment du monde qui joue à Grand Theft Auto pour l'histoire. Écoute, je peux me dire coupable pour San Andreas. Ah, moi, je l'ai pas aimé, San Andreas. Mais tu sais, GTA, je suis l'histoire, mais je joue pas à ça pour l'histoire, là, on se comprend. Non, moi, je joue à ça pour débloquer tout. C'est tout. Tu fais ça pour les déconnages aussi, là. Puis... Oui, ben ouais, shooter plein de chars partout, puis piquer des chars de police. Je sais pas pourquoi j'ai cette fascination de piquer des chars de police là-dedans. Sais-tu qu'est-ce que j'aimais, moi, des bons vieux GTA où est-ce qu'on nous voyait en haut? Les versions PlayStation. Le 1 puis le 2, là, Tu pognais le CD, tu le rentrais dans un lecteur CD normal de musique, t'entendais les tracks de tunes. Puis j'ai une anecdote à vous conter. Je monte à Montréal dans le temps avec mon cousin. Puis on a décidé de mettre le CD de Grand Theft Auto dans le char. Puis il y a une track parce que t'entends des CB de police. Sauf que on a laissé rouler. Puis il y avait un char de police à un moment donné qui s'est collé. Il nous a pas collé. Mais il nous regardait avec des gros yeux. Parce qu'on avait les fenêtres ouvertes, puis qu'on entendait vraiment des CD de police, pensait qu'on avait une radio de police dans le char. Bon. Ça me fait penser à une autre histoire qui a complètement pas rapport, mais. Oui, vas-y. Dans le temps que je jouais à Shadowrun sur table, j'étais dans l'autobus en arrière, puis là, avec un de mes chums, là, on discutait de la dernière émission. Là, t'es là, « Hey, man, t'as-tu vu le bébé quand je l'ai shooté dans la face, puis toute l'équipe, là? » T'avais des molles-fans, là, ils nous regardaient, « What the fuck? » Attends, tu jouais à Shadowrun dans l'autobus? Non, c'est parce qu'après la game, on a pris l'autobus, puis là, on jasait de la game. Puis là, ben, il y avait eu des espèces de bébés cyborgs qu'il a fallu détruire parce que là, il y a quel système network puis tout le kit. Puis là, on dit, « Hey, t'as-tu vu quand j'ai tiré le bébé, mais tu sais, je parlais des idées, tu sais. » C'est ça, ça me rappelle ça. Fait que, non, c'est ça, si vous avez vérifié vos CD de PlayStation 1, des fois, vous êtes capable de trouver des tracks de tunes. Moi, j'avais une des meilleures tracks de tunes de CD. C'était Ace Combat, le premier. Je sais pas pourquoi, il y avait des tunes là-dedans, je tripais, puis je mettais dans mon CD de radio, puis ça marchait, puis j'aimais ça. Faudrait que je les refasse. Hein? À un moment donné. Ah ouais, quand je vais avoir du temps, là. Après avoir joué à mes 200 jeux qui attendent sur ma pile. C'est tout le temps ça, le problème. Quand on va avoir du temps? Genre dans 10 ans. Ouais, c'est ça. Encore là. Autre nouvelle! Là, on va tout être des superstars du net, là, fait qu'on n'aura pas le temps. Ouais, non, mais ça. Pensez-y, les gars, quand on va être à retraite, là, puis qu'on va être vieux, là, puis tout, puis on va être dans une maison de personnes âgées, nous autres, là, on va avoir la meilleure époque possible parce qu'on va être en train de gamer. Tout ce qu'ils vont avoir à faire, c'est nous asseoir devant des ordi ou des consoles, là, whatever, là. C'est juste ça qu'on va faire à longueur de journée, puis je vais dire, monsieur, vous prenez votre médication. Non, faut que je finisse ma game Call of Duty 145! Ouais, mais on va tout ranger avec des Oculus Rift d'en face. Là. Ah ouais, c'est ça, là. On va avoir deux portes patio. Mais non, parce qu'on va toujours rentrer dans mon temps, il y avait des consoles, puis c'était bien mieux qu'aujourd'hui avec les hologrammes. Dans le temps, nous autres, on avait des manettes. Il y avait deux boutons. Ouais. Dans le temps, on savait gamer. Dans le temps, on pouvait jeter des manettes dans le mur, puis elle restait correcte. Même si des fois, elle est dans le mur, elle restait correcte quand même. On va être toute une belle gang de séniles. Surtout, on va continuer les podcasts, là, on va avoir 85 ans. Non, les gars, on va commencer les nouvelles. Bonjour, il m'appelle Big Man. Aujourd'hui, de quoi qu'on parle, hein, tu t'arrêtes? Comment pas ma chatte, toi? Non, le nom du podcast va changer, on s'appelle « On prend toujours un Nintendo ». Oh my God. On va être devenus les accros des Peppermen. Oh, oh là! C'est un Pepperman, man! Il vaut des Peppermen! C'est un Pepperman! C'est pas drôle, surtout! Trêve de plaisanterie. Laissez-moi les roses. Bon. Yo, t'y iras pas. Mais les garde pas pour moi, les roses. Ah ouais, mon rétro. Fais-moi une imitation de Catwoman. Oh, je suis pas mon gentil. Oh my. Hey, on est en train de délirer, là. Bon, regarde. Prochaine nouvelle. Bethesda qui essaie de s'arranger avec Xbox et PlayStation pour éviter d'avoir des doubles abonnements à ces consoles pour leur MMORPG. Finalement, ce qu'ils veulent faire, c'est que vu qu'on va déjà payer un montant de 12,90, je pense que c'est 15$ par mois pour jouer à Elder Scrolls Online, ben ils veulent pas, par exemple, qu'on paye un deuxième abonnement pour, tu sais, comme par exemple pour avoir Xbox Live ou le PlayStation Network. Fait que là, ils sont en négociation en ce moment pour essayer de convaincre Microsoft et PlayStation de faire une passe droit pour Elder Scrolls Online puis de permettre de pas avoir un abonnement obligatoire à payer finalement pour jouer au jeu. Mais dans le fond, les joueurs paieraient pas pour jouer à Elder Scrolls Online. Ils vont payer une fois. Une fois, ok. T'sais, ils paieront un abonnement par mois, donc ils vont payer 15$. Mais ils vont... Non, ils vont payer leur abonnement Xbox Live pareil? Non, ça, ils veulent s'arranger que le monde n'aille pas à payer un abonnement Xbox Live en plus. Non, mais c'est fucking stupid. Je veux dire, c'est une Xbox. Tu veux Xbox Live, là? Ben, c'est ce qu'ils essaient d'éviter. Oui, mais oui. Dans le fond, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils veulent éviter. Bethesda veut éviter de faire payer à ses joueurs deux fois quelque chose que normalement tu devrais payer juste une fois. Ouais. Mais à la base, là, les systèmes de paiement pour MMO, ça achève ça. Même Blizzard commence à tester les... Je serais de cet avis-là moi aussi. Là. Je pense que le pay-to-play là, d'un MMO, c'est en train de disparaître. Là. Ben oui, même Blizzard commence à enlever ça éventuellement. Ben oui. Comme on dit, un gars s'essaye, une compagnie s'essaye aussi. Oui, mais au nombre de free-to-play qu'il y a sur le marché, puis pas de la scrap, là, des bons free-to-play. Oui, je veux dire, faut arrêter de prendre le monde pour des caves. Il y en a des bons free-to-play, pourquoi on le paierait pour... Ça va vraiment que ça soit exceptionnel, là, ton MMO, pour que j'aie le goût de payer pour ça. Là. Ça va faire comme tous les autres là, qui ont essayé de topper WoW, là, puis ils vont faire un an avec une inscription, puis après, ils vont dire « C'est free-to-play! » C'est ça. T'en plein ça. C'est chiant, là. Mais, pensez-vous du système que Guild Wars ont utilisé? C'est quoi le système? Ah, mon Dieu! Tu payes le jeu une fois, et tu peux aller gratuitement sur le... Tu sais, tu joues autant que tu veux sur leur serveur. T'as pas de paiement, mais il faut que tu payes le jeu au moins une fois. Ben, comme ça devrait être pour n'importe quel jeu que t'achètes. C'est ça. C'est correct, tu sais. J'ai pas d'objection à ça. Mm. C'est fair. Moi, je trouve que ça... T'sais, si tant aussi longtemps qu'aucun joueur est favorisé, tu sais, qu'il n'est pas à payer pour booster son bonhomme, c'est ça. Je trouve que c'est quand même une très bonne idée, la manière que Guild Wars font ça. Tu payes le jeu, puis tu as les mêmes affaires que tout le monde, mais tu as juste à le payer une fois. Moi, je trouve ça cool. Autre nouvelle, on va regarder rapidement. Une expansion de Diablo 3, on avait jasé, Reaper of Souls. Je pense qu'on avait jasé de ça au dernier podcast. L'expansion, il est quand même pas oublié pour les consoles, mais ça a l'air que, bon, selon ce que Blizzard nous dit, ils veulent absolument plancher sur l'expansion pour le PC avant de penser à se mettre sur l'expansion pour l'Xbox 360 et PlayStation 3. Ça fait du sens qu'ils commencent par sortir Diablo 3 sur console avant, hein, puis après on verra. Ouais. Qui enlève le mot optional. Excuse. Ça, c'est mon avis. Mais il l'aura pas, ces consoles? Non. Oui. Bon. Ils vont le sortir sur console expansion, mais ça va sortir plus tard. Ouais, mais on parle de l'Auction House. Il l'aura pas. Non, l'Auction House, non. Ben, il va pas l'avoir sur la console. Ben, l'Auction House. Moi, ça a toujours été mon avis dès le départ. Là. L'Auction House, ça n'a pas d'affaire dans Diablo. Là. Ça, non. Ça a scrappé le jeu. Oui, ce qui m'intéresse avec la version console, c'est le co-op split screen. Ah, split screen? C'est pas ça? Non. Intéressant. Tu me l'as rappelé, là, mais... Jusqu'à 4. Jusqu'à 4, hein? Ça va être cool, ça. OK. Au lieu d'être assez d'être quelqu'un en ligne, tu peux jouer avec des amis live chez nous. Dans le salon, puis de bitcher. C'est moi qui le voulais! Ouais, mais il n'y aura pas de PVP pour pouvoir régler le problème. Ah oh, ouais, PVP, tu vas le faire avec tes points dans le salon. C'est... Ah, ouais, c'est vrai. Nice. Ça va être bien. Ça, c'est pousser le réalisme à un degré supérieur. Ben, on voyait que la dernière nouvelle qui me restait, mais celle-là, je pense qu'on risque d'en jaser un petit peu plus. Ok, ouais. Je t'écoute. Ben Affleck! Ouais, Ben Affleck. Ben Affleck, je pense que on a parlé de ça à ma job aussi. Bon, mais j'ai été content de vous connaître. Salut. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis en même temps, les accros, qu'est-ce que vous en pensez de Ben Affleck qui est le nouveau Batman? Bon, ben, tu veux faire ça comment, tour de table? Parce que je pense qu'on a tous des opinions. Moi, je vais peut-être être relativement objectif, là. Quand Heath Ledger avait été annoncé pour faire le Joker, je dirais pas que c'était unanime, là. C'était comme. C'était mitigé. Heath Ledger pour résultat, ça a été un excellent Joker. Il y a des avis qui disent que Jack Nicholson était meilleur, il y en a d'autres qui préféraient Heath Ledger, mais le point, c'est pas de trouver c'est qui le meilleur, c'est de dire, OK, Heath Ledger, il a fait un excellent Joker. Mais oui, là, c'est la même chose qu'on a avec Ben Affleck. Tu sais, on va donner la chance. Moi, mon avis, c'est qu'on va donner sa chance à Ben Affleck. On va voir ce que ça va donner. Un coup qu'on aura le film devant les yeux, là, on jugera. Mais pour l'instant, je trouve que le hate over sur Ben Affleck est un petit peu exagéré. Écoute, ça va, j'ai des menaces de mort quasiment tous les jours. Là. Ouais, non, ça c'est ridicule, dégueulasse. Là. Ça n'a pas rapport, c'est rien qu'un esti de film. Là. C'est ça. Ben, ouais, tu sais... Avec tous les studios et les corporations qui détruisent les mythes que ce à quoi les gens, le public général, tient. Effectivement par se révolter, puis on a la preuve. Le problème, c'est que où est la limite de cette révolte-là, puis qu'est-ce qui la justifie vraiment? Mais il faut quand même résumer les faits pourquoi que le monde a peur. Ils ont peur à cause de Daredevil. Dans un sens, c'est pas de sa faute. Dans Daredevil. C'est pas de la faute si Ben Affleck a joué dans Daredevil. Daredevil, il était mal écrit puis il était mal réalisé. En plus d'avoir été mal joué. Ben, mal joué. Je pense qu'il a fait la job qu'il a pu faire ce qu'il y avait. On s'entend. Regarde, c'est atroce, le monde. Est-ce qu'il l'a mal joué parce que c'était un script de merde ou est-ce qu'il l'a mal joué parce qu'il est pas bon? Ou qu'il a été mal dirigé. Ouais, aussi. C'est ça. Je veux dire, un acteur se dirige pas tout seul. Là. Non, ça rend niaiseux, mais c'est tout avec la vision du réalisateur. Là. Si le réalisateur, il est cave puis il donne pas de bonnes directives à ses acteurs, ben c'est bien sûr que ça va être de la merde. Là. Et le réalisateur est cave de Daredevil? Ben, c'est pas une lumière. C'était pas une lumière. Il a fait vraiment des choix bien, bien mitigés, là. Écoute, quand tu vois un aveugle, puis que ça fait pareil qu'il est aveugle, qui fait un combat d'arts martiaux avec une voyance, là, en plein jour, dans le parc, que des enfants qui... Yeah, go, go, go, go, go! Il y a un problème. Il y a un problème de logique. C'est vrai. Un gros problème de logique. Bon, maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est effectivement, vous avez tous des bons points. On a tous vu les capacités que Ben Affleck, c'est que Ben Affleck peut faire en tant qu'acteur de super-héros. Dans Daredevil, c'était pitoyable. Il avait pas l'air de savoir, de connaître son matériel. C'était un des problèmes. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Ben Affleck réussit plus dans les rôles de pseudo Pretty Boy et de Bachelors. Tu vas me dire, oui, mais ça ressemble beaucoup à Bruce Wayne. Oui, Bruce Wayne, c'est ça l'affaire. C'est une image qui soit un Bachelor. Sinon, c'est un philanthropiste. C'est l'affaire. Ben Affleck m'a fait des rôles plus qui demandaient un petit peu plus de. Un petit peu plus que être en fond le. Je peux dire ça, la personne normale. Ceux qui ont vu Mallrats, oui. Mallrats, il a très bien joué dans Mallrats. Il était dans Fred. Non, tu parles pas de Chasing Amy? Mallrats, il apparaît à peine. Dans Chasing Amy, il avait un des rôles principaux, il a très bien joué, mais encore là, c'est parce que ses rôles ne demandent pas grand-chose. Ben Affleck, si tu en demandes trop, il sera pas capable. Non, moi, je trouve le contraire, mais on a eu plusieurs preuves comme quoi que la seconde, que tu en demandes beaucoup, il est pas capable de bien faire le rôle. Alors, en tant que Batman, le problème aussi, c'est que les gens veulent revoir Christian Bale en tant que Batman. Batman, je suis pas sûr, moi. Non, il y a bien des gens qui voudraient voir Christian Bale. C'était bon, mais à un moment donné, là, la voix qui va sortir en vomissant, on est allé l'entendre. Chanteur de death metal. Hey, écarte pas le death metal. C'est brutal. Parce que je suis Batman. Batman a rien sur Nathan Explosion. Mais le point d'abord, c'est que Ben Affleck... Est-ce que si vous donnez une chance, que c'est ça le temps avec Ben Affleck et Heath Ledger. Heath Ledger, le plus que les gens se rappellent de lui, à part de Joker, c'est le cowboy, excusez-moi l'expression, homosexuel. Ouais. Fait que les gens ont la vision de le cowboy homosexuel qui devient le Joker, ça marche pas. Moi, j'étais le seul qui a dit... Bon, pas encore drôle. Et effectivement, même si c'était un peu c'était mécanique dans son approche, ça change pas le fait qu'Heath Ledger il a livré une performance magistrale en tant que The Joker. Écoute, c'est des acteurs, là, c'est capable de changer de personnage, là, quasiment en un claquement de doigts s'ils sont bien dirigés. Là, fait... On pense par exemple à Michael Keaton, lorsqu'il a fait le premier Batman. Ah, il était 40. Pour moi, c'est un des meilleurs Batman. Je le trouve bon en Batman, mais je le trouvais meilleur en étant Bruce Wayne, parce que tellement le switchage de personnage était tellement différent. C'est ça, Batman. Christian Bale l'avait pas. Moi, c'est la seule chose que je rechigne avec la série de Nolan, c'est que Bruce Wayne et Batman, ils se ressemblent trop. Tandis que quand tu regardes les Batman de Tim Burton, tu vois qu'il y a vraiment, il y a comme une switch, le personnage change totalement quand il change de rôle. J'ai pas aimé les Batman de Tim Burton. Ah non? Ah, tu manques quelque chose. Ah. Je ne sais pas, je les écoutais, je les aime pas. Ouais, mais c'est apprécier la chose pour voir en tant que film. Peut-être que c'était trop compliqué, par exemple. Keaton était bon, mais après ça, c'était de la merde. Antithèse, essaye pas, hein. Il a pas aimé Fallout 3. Donc, là, d'après dire que Retro n'aime pas les arts, non, je ne crois pas. Je suis sûr que Retro. Non, je le taquine. Je le taquine. Moi, j'en parle, je ne suis pas bien mieux. Mais bon, pour conclure, écoutez, Ben Affleck a beaucoup approuvé. Puis c'est vrai que c'est pas sûr qu'il va être capable. Le problème de ça, c'est que si effectivement, en guillemets, on va dire que ça marche ou que ça marche pas avec Ben Affleck dans Batman, dans le second Man of Steel. En second Superman, le problème est que, parce que ça va être lui qui va être choisi pour également faire Justice League of America en 2017. Ouais, puis je pense qu'il a signé pour plusieurs films, fait que on n'est pas prêt à le perdre pour un bout, là. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Pourquoi nous avoir laissé sur la fin du dernier Batman avec le nouveau possible Batman, si c'est pour changer d'acteur? Parce qu'il voulait faire des tests, mais c'est parce qu'en même temps, c'était un epic fail total. Pourquoi c'est un epic fail? Ben, il y avait des évidences qui n'étaient pas pour en faire un autre, puis pourtant ils font un teaser comme quoi, oh, il va peut-être en avoir un, mais pas sûr. Mais ça aurait été génial de suivre avec ça, ça aurait été une continuité. D'aller à Nightwing, parce que c'était ça dans le fond, oui, t'as raison Retro, t'as raison totalement, ça aurait été écœurant, mais est-ce que les studios ont confiance en Nightwing? Ils devraient... Non, mais il aurait pu juste... le faire en tant que Batman, puis faire leur propre affaire avec. Là. Ça se fait, c'est là. Moi, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. C'est vrai. Je veux dire, regarde, ouais, je vais prendre Venom. Je vais prendre Venom, puis il a changé combien de fois de host? Qui ça? Venom. Venom? Ah oui. Ah, dans les comics, il a comme été pas mal souvent, là. Non, mais il a été Eddie Brock longtemps, mais après ça, ça a été d'autres personnages. Mm-hmm. Enfin, pour Carnage, écoute, je pense qu'il y a même un comic book, c'est que t'as aussi que Thor était Carnage. Juste pour dire. Mais, J'ai l'impression que on dirait que la direction de Warner Brothers sont comme tellement à l'opposé de Marvel, où Marvel vont essayer plein d'affaires. Je pense juste à ce qui sort bientôt, là, Guardians of Galaxy? Guardians of Galaxy. Ouais. J'ai jamais lu ça, j'ai jamais vu une série de ça, mais ils vont quand même nous la proposer, puis c'est génial. Moi, je trouve ça cool. Hey, Thor, j'avais jamais lu ça avant. Je trouvais ça con. Excusez-moi, mais quand j'étais jeune, là, je voyais un demi-dieu, quand, hey, c'est pas Spider-Man, ça. On va en prendre un autre. Moi, c'est ce que je voyais de Thor, c'était un gars qui se faisait être invincible, mais il se faisait péter la gueule quasiment à chaque page de comic book. Fait que l'intérêt était pas là. Puis là, par bien le film, qu'en passant, c'est Ben qui m'a poussé à aller le voir. Puis écoutez, j'ai hâte de voir The Dark World qui sort dans deux mois. J'ai hâte aussi. Puis c'est en plus un réalisateur de Game of Thrones qui le fait. Ah, si, bol. Ça va être bon. Ça va être débile. Oui. Il dit qu'il faut du monde. T'sais, je me sens mal, tu sais. Ce gars-là, en plus, on le reconnaît. Je connais pas le nom du réalisateur, mais il a une réputation pour faire tuer son monde, lui. Lui, sa spécialité, c'est faire tuer ses personnages. Fait que je me demande s'il va en tuer dans Thor. Si c'est gratuit, c'est sûr qu'il va. C'est sûr qu'il sa réputation va être ternie à jamais. Ouais. Ça, c'est sûr. Pour vraiment créer un drame qui fallait de l'allure, t'as du bon sens avec l'histoire, il va être applaudi à ce moment-là. Mais moi, la chose, en tout cas, je vais revenir, Marvel ont du guts comparé à Warner, puis je trouve que Warner devrait prendre des leçons de Marvel ces temps-ci, parce que ils en ont beaucoup de personnages qui pourraient faire des excellents films. Puis oui, je me rappelle encore Green Lantern, puis qui est pas si bon que ça, là. Le scénario dans Green Lantern, c'est pas Roy Reynolds. Non, mais Ryan, il était pas pire, mais c'est pas le Hal Jordan que je connais. C'est sûr, mais c'est quand tu peux te dire. Dans le fond, on peut-tu s'entendre que Reynolds, il est juste pas chanceux? Ben, il est pas chanceux dans ses derniers choix de films, en tout cas. Non, c'est ça. Écoute, t'as regardé Wolverine Origin, le pauvre gars, il a dû subir une humiliation à faire le défaut qu'il a fait. D'un. Ben, de la manière qu'il parlait, il essayait de faire un autre film de Deadpool, puis il a de la super intéressé, puis là, il veut s'arranger pour que le film soit classé 17 ans et plus, pour que ça soit un vrai film de Deadpool. Ça fait depuis Origin qu'il essaie de faire un film de Deadpool. Ça aurait de l'allure. On va aller voir notre monde sur YouTube, PL, parce que ça jase énormément. Effectivement. C'est vraiment le fun de vous voir jaser de même sur YouTube en passant, la gang. Merci beaucoup de nous suivre. Fait qu'on va essayer de prendre les meilleures discussions que le monde jase en ce moment. Je te dirais, de ce que je peux voir, ça complète ce que nous on discute concernant en fait, on l'appelle Ben Affleck, mais c'est Batfleck. On va l'appeler Batfleck. Batfleck. Hollywood appelle Batfleck. Faites-le comme Hollywood. Appelons-le Batfleck. On a quand même des opinions quand même bien développées sur le YouTube. C'est pas juste des... Non, c'est vraiment intéressant. Des Toxor, LOL, LULZZ. C'est ça. C'est vraiment... C'est le fun de vraiment voir le monde bien écrit. On va dire. Oui. Ben, tu vois, Rad, il dit souvent les problèmes d'un film, c'est le texte qu'on donne à l'acteur et souvent pas vraiment de la faute de l'acteur. Par exemple, la prestation de Christian Bale ne m'a pas déplu à cause de l'écriture de son texte qui ne colle pas au personnage. C'est sûr que le ton de voix du Batman... I'm Batman, tu sais. C'est peut-être ça pour ça qu'on rit un peu de Christian Bale, parce que son Batman était... c'était pas réellement ce qu'on s'attendait d'un autre Batman qu'on avait auparavant, là. Ouais, mais là. Par exemple, à la série animée. Ben oui, Kevin Conroy, il était écœurant. Ouais, il était écœurant, là. Il est vraiment bon. Conroy. Il était vraiment bon, puis en tout cas, c'est dans les meilleurs Batman que je connais. Écoute, il est capable de faire une voix distinguée entre Bruce Wayne et Batman. Mm-hmm. Tout à fait. Pourquoi pour Brick Bell, il n'est pas été capable? Pourquoi il a fait qu'il exagère? Ouais. Doctor Who, Glee Love. C'est marqué DW, mais je sais que c'est pour Doctor Who. Moi, je fais juste dire wait and see, car oui, Daredevil est poche, mais on sait jamais que ceci, il pourrait être très bon. Il pourrait être très bon, donc on attendra à avoir vu le film pour vraiment juger. comme suis la logique de d'Alpha, puis je suis d'accord avec Alpha aussi là-dessus. Moi, faut quand même que tu laisses une réserve. Peut-être non plus ne jouera pas en la faveur de Ben Affleck. C'est le fait qu'il y a des petites chances que Frank Miller s'implique dans le scénario. Ah, ça me fait peur. Puis, parce que, écoutez, je sais pas si c'est le scénariste ou le réalisateur dans un Comic-Con qu'il y avait il y a pas longtemps, qui citait les dernières paroles de Batman dans sa confrontation finale provenant du comic book The Dark Knight Returns. Mm-hmm. Puis qui dit en résumé que Clark, j'espère que mes coups qui vont te péter la gueule, c'est ce qui va te rappeler, c'est la chose qui va te rappeler que je t'ai humilié publiquement, blablabla. Bla, bla. Ah, mais attends, je l'ai ici, en plus, la BD, mais... Aussi, je l'ai, mais ça ne me tente pas d'aller dans ma bibliothèque fouiller. Puis... Ben, c'est à peu près ça que ça dit. Je sais que c'est différent, là. Ouais, c'est différent, je l'ai résumé. Ouais, c'est ça. Tu vois, Philippe Saint-Jean dit « Le meilleur Batman, selon moi, c'est Michael Keaton. » Je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il était excellent, mais on voulait laisser la chance à Ben Affleck, pareil. Puis, effectivement, Rad dit, il rajoute, effectivement, je suis d'accord avec Philippe Saint-Jean. Pour moi, Batman, ça doit être quelqu'un qu'on ne reconnaît pas au premier regard. Et avec Christian Bale, c'est repéré à 300 000. Très bien dit, très bien dit. Ouais. Sinon, je pense que ça... Ah non, on a Rétro Nouveau, la gang de Rétro Nouveau qui nous suit. Salut, Dom! Hein, pour vrai, ils sont là. Oui, on a Dom qui nous suit. Oh, tabarnak! Wouh! Colin, hey, on se sent honoré. Mais merci beaucoup. Honoré, man. Oui, c'est... suivez leur show en passant sur YouTube si vous l'avez pas vu. Ça vaut vraiment la peine. Ils sont vraiment cool, les gars. Puis ils jasent de rétro autant de nouveaux comme nous autres. Sauf qu'eux, ils sont sur YouTube à Star. Ils ont laissé la place libre pour le podcast. C'est des Québécois, hein? Oui, c'est Bruno Georget puis Dominique Bourret. Je pense à ça, justement. On avait une pub à faire pour eux, je pense, Ben. Oui, c'est vrai. Hey, écoute, je te laisse la faire, ça te dérange pas. Attends une minute, là, faut que je retrouve sa date. Attends, peut-être. Dom, il est là. Si t'as la date pas loin, là, tu peux nous le rappeler. Là. Attends, je cherche dans mes courriels. Ouais, moi, tout, là. Boy. Pense. Oui, c'était le c'était un party. Je pense que c'était un mercredi. Et on a la main. Hey, écoute, Dom, on va essayer d'arranger ça. C'était sur Facebook, moi, j'avais eu. Ouais. Vous allez l'avoir. Oui. Mais c'est ça, il est en train d'organiser une soirée rétro gaming de Papa Cassette qui va avoir lieu au Funzo. Le célèbre bar sur la rue Drummond à côté de la rue Sainte-Catherine. Et ça va être une soirée spéciale Contrat. Oui, ça va être intéressant. La plupart des jeux Contrat vont être présentés. Et ça aura lieu le 4 septembre 2013 à 19h le soir. Il va y avoir des compétitions toute la soirée à partir de 20h. Puis la plupart du monde sur YouTube, je dis que la plupart du monde de geeks va être présent. Je pense par exemple à Bruno Georget qui va être là, Johan, Carl Wissel. Vous allez pouvoir dire un beau bonjour à Johan qui vient d'avoir son financement pour son film Turbo Kid. Sinon, il va y avoir pas mal de monde, ça va vraiment valoir la peine. Puis si vous n'avez pas encore été au Funzo, c'est la place à Montréal pour jouer à des jeux rétro, finalement. C'est vraiment la place. Vous assisez dans les gros divans, vous avez une manette dans vos mains, vous jouez, vous prenez une grosse bière. C'est la grosse vie sale, bref. Ouais, effectivement. Fait qu'on résume, mercredi le 4 septembre, ça c'est pas demain, c'est l'autre mercredi d'après et ça se passe au Funzo. Oui, c'est ça. Puis on joue à Contrat. Toutes les Contrats. Possible. Je pense que oui. Et c'est l'adresse Funzo, pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est le 1245 rue Drummond, à Montréal. Alors, soyez présents. Moi, je vais essayer de passer. Je pense que toi aussi, tu vas essayer, Alpha, si je me souviens. Je vais essayer moi aussi, là, mais je suis en vue de fin de projet, là, fait que je vais essayer. De quelle heure vous avez dit? 20h. Ça commence à 19h, puis ça finit, je pense, vers les entours. Je pense que ça ferme vers minuit, ce bar-là. 11h, minuit d'habitude. Je vais voir si je peux le faire un tour une demi-heure ou une heure après ma pratique. OK. Ben, on s'en reparlera. Peut-être qu'on ira en gang. Oui, on va se faire... Si on est capable de se libérer, là, évidemment. Oui, Crétro. Ah, c'est ça. C'est juste Dom qui est là présentement. Mercredi 4 septembre, ça va se passer à tous les deux mercredis. Il va y avoir une thématique à chaque party qui va avoir lieu. Donc, si vous passez comme deux mercredis après le 4 septembre, vous allez avoir une autre thématique de jeu qui va être présentée par Rétro Nouveau. Cool! Hey, c'est fun, ça, c'est un beau projet. Ouais, hein? Fais-tu longtemps que ça existe ou il vient juste de partir ça? Il vient juste de partir ça, Dom. Ben, c'est cool, parce que justement, je me disais, ça nous prendrait un regroupement, là, pour, tu sais, une place qu'on peut tous jouer à des jeux rétro à la gang. Ben, je pense que il est en train de le partir, veut pas, là. Oh oui, hey, écoute, que, ça écoute, va être notre pas brouhaha comme on est allé hier. Ben oui, ouais, c'est on ça. Écouté ça. Des ça va films être point de rassemblement. Ça va être un autre coin de rassemblement pour nous, les geeks à Montréal. Alors, absolument. Absolument. Fait que là-dessus, si vous avez d'autres informations, vous pouvez aller visiter le Facebook de Papa Cassette et de Rétro Nouveau. C'est là où vous allez pouvoir trouver la plupart de vos informations à propos du party thématique. Normalement, Dom, il fait pas mal la promotion sur ces deux chaînes-là de YouTube. Fait que c'est ça. Alors, on embarque dans notre sujet? C'est pour dire des nouvelles moi-même. Mais une t'as des nouvelles? Vas-y. Oh, écoute, parce qu'on est déjà rendu à 48 minutes dans le podcast. Que vous voulez vraiment m'écouter ou... Je te laisse y aller parce qu'après ça, on finit avec notre thème. D'accord, écoutez. Une nouvelle qui peut-être intéressamment un minimum, c'est... ça concerne Silent Hill. Là, tu vas dire, oh, putain, Silent Hill, ta gueule. Time out. T'adore ça, la vidéo. Bon, Rétro l'a fait à ma place avec moi en cœur. Merci, Rétro. Récemment, Hideo Kojima a été approché et la première fois, il a dit qu'il serait intéressé à travailler sur le prochain projet de Silent Hill. Hideo Kojima. Ça peut être intéressant. Qui reconnaît que c'est un projet complexe, qui le ferait pour le principe de donner un défi, mais que ce serait pas pour tout de suite, mais son intention demeure d'y être attaché. Un petit peu comme qu'est-ce qu'il a fait à Castlevania. Oui, et il a fait une très belle job avec d'avoir suggéré et dirigé Mercury Steam dans leur idée. Rétro va pas être d'accord avec moi là-dessus. Il y a plusieurs idées qu'on ressent que c'est du Hideo Kojima dans les trames narratives. Rétro? Ben oui, je suis d'accord. Il n'y a pas d'accord. Non, mais c'est vrai que le reboot de Castlevania avec Lord of Shadows, c'est ça. Très bien fait, puis il y a vraiment des influences de Kojima là-dedans. Tu veux savoir quoi de plus? Correct! C'est bon. Ben écoute, Hideo Kojima, c'est vraiment un génie pour ce qui est du jeu. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il peut proposer, là. Fait que, reste à voir, il y a encore de la job. Donnez-moi. Ils ont été sur la bonne voie avec Downpour, même si c'était pas fait de l'unanimité. Ouais. À part pour Silent Hill, Downpour a fait une très bonne job. Juste que c'est pas unanime. Donnez-moi un petit instant. Ça sera pas très long. Ok, c'est bon. Je sais pas pourquoi. Il a comme décidé de partir automatiquement mon feed YouTube. C'est bizarre. Ah, c'est pas grave. Alors là, je vous entends. C'est bon. Mm-hmm. L'autre nouvelle. Bon, oui. C'est une pub, en fait. OK, vas-y. Écoutez, êtes-vous fan de Street Fighter? Et alors, si vous êtes fan de Street Fighter, il y a pour la Xbox 360 l'édition ultime de collection avant chez Microplay la Chine. Vous allez me dire, la Chine, c'est loin. Et vous avez raison, mais ça vaut le déplacement. Surtout quand il s'agit du Edition Collection Special de Street Fighter. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette édition de collection? Tout! Les jeux de Street Fighter, tout ce qu'il y a Street Fighter comme jeu, dans la mesure du possible, cette collection-là vous l'offre. Ça, sans compter qu'en plus, vous avez 11 CD de musique et une figurine assez bien détaillée. Même, je reviens plus, une belle figurine de Ryu qui fait un show Ryokin. Tout ça pour le prix de 150$. Ouh. Est-ce que les films viennent avec? Les films sont poches! Non, mais on en a vu un hier. Parce que justement, moi puis Ben, on a regardé, c'était le premier, je pense. Oui, c'est le premier. Hier, au brouhaha, et puis écoute... C'était... Avec Jean-Claude Van Damme ou... Oui. Quoi, je pense que la version avec Jean-Claude Van Damme, en tant que jeu, parce que oui, il y a un jeu de Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, qui est de la calice de merde, n'est pas dans l'édition de collection que je parle en ce moment pour 150$. Non, je pense que tout le monde essaie de l'oublier, celui-là. Oui. Il y en a encore qui le recherchent, ce jeu-là, puis ils me font pitié. Mais tu parles du Street Fighter version film, là. Ouais, le film, là, je parle de ça. Ouais. Il l'a pas dans les... J'ai déjà joué sur PlayStation 1 dans le temps que c'était sorti. C'était vraiment mal fait, là. Street Fighter, the game, the movie, the game. J'ai même dit, parce qu'on était là, hier soir, on était avec Giz, lorsqu'on l'a écouté, et j'y ai glissé un mot, j'ai dit, me semble que je te verrais jouer à ça. Il n'y a pas répliqué. Alors, si vous connaissez Giz, je vous recommande d'y proposer de jouer à ce jeu-là, de merde. Juste pour laisser une petite pause à Alpha. Merci Ben, c'est gentil que tu penses à moi comme ça. J'essaie de t'éviter certains jeux et surtout les mauvais comme ça. Ou ben, hey, non, c'est vrai, hier on a pu voir finalement chaque fou se faire manger une volée. C'était-tu vraiment Shaquille O'Neal? Non, je pense pas que c'était Shaquille O'Neal, mais c'était un grand noir qui... Comme... Oui. Un grand noir, là. C'est bizarre, là. C'est chaque fou qui se fait démolir, puis là, tu vois, comme chaque fou, il se fait comme... Tu sais, tourner la tête, là, à 180 degrés, là. Clock. C'était mal fait, genre. Mais c'était drôle. Si vous avez la chance, les lundis soirs, allez au Brewpop Brewer. J'ai la misère à le dire. Sérieusement? Brouhaha. Les soirées douteuses. Appelez aux soirées douteuses. On a capoté hier soir. On était allé avec Mary puis Alpha puis on a ri à tour de bras. Et on a bu de la très bonne bière en passant. Soulon. Ah non, on n'est pas Soulon. Un Soulon, ça boit par nécessité. Ah, ok. Parce que c'est nécessaire de boire? Non. Oui. De l'eau? Du jus. De l'alcool. Ah, ok. Oui, c'est long, I guess. Alors, on embarque dans Robot Chicken. Ben oui, il faudrait, hein. On a un sujet, là. Ça a l'air de rien avec tout ça, mais on a un sujet, nous autres. Ouais. Alors, oui, comme vous allez pouvoir voir, on a un beau dossier, parce qu'on remercie les gens de chez Télétoon Canada qui nous ont fait parvenir le dossier de presse ainsi que le DVT pour nous à Montréal, pas dans la Bomb City. J'adore taquiner rétro. Et ben, on va parler de la série qui a été créée par Seth Green et Matt Senreich. Qu'est-ce que Robot Chicken? Ben, c'est une série d'animation image par image faite avec des figurines qu'on avait dans les années 80, tu sais, des G.I. Joe, des Transformers. Et il se passe des histoires qui sont totalement fous et immatures. Et ça, pendant à peu près 10 minutes. Un épisode dure à peu près une dizaine de minutes. Et on va jaser à ce soir, on va voir c'est quoi la vie de tout le monde. Tout d'abord, moi, Antithèse et Alpha, on a écouté la version française, la version qui va être diffusée à Télétoon Canada. Tandis que Rétro, toi, t'avais déjà vu des épisodes en anglais, si je me souviens bien. Ouais, toutes les saisons, je le suis assez régulièrement. Alors, t'es quand même plus calé que nous pour ce qui est de Robot Chicken. J'en ai vu une saison, moi aussi, je l'ai dit. Ben, j'avais déjà vu quelques épisodes auparavant avec Robot Chicken, mais c'était surtout en anglais, puis des petits clips qu'on pognait sur YouTube ici et là, mais j'avais pas vu des épisodes entiers. Toi, Alpha, est-ce que t'en avais déjà vu auparavant? Non. Non? C'est la première fois que tu t'envoyais avec nous autres. Oui. J'ai découvert Robot Chicken traduit. Oui. Ouais. Alors, je te dirais que ça change pas grand-chose qui a été traduit ou pas dans ces cas-là. Non, c'est ça. Je pense pas que ça a été un facteur vraiment décisif. On va commencer. Appréciation générale de la série. Je vais commencer avec Rétro. Vu que toi, tu connais la série vraiment originale, tu as vu toutes les saisons. T'en penses quoi de cette série-là? Ben, je pense que si t'as 35 ans comme moi, tu vas poigner plus les jokes en général. Parce que les gens qui font ça, c'est des gens qui sont nés aux alentours là, des fins des années 70 puis début des années 80 en général. Fait que eux autres, tous les jokes, là, c'est ils prennent des G.I. Joe, des Transformers, des Barbie, Poulish, E-Man, puis des choses comme ça. Là, puis c'est clair là, qu'eux autres, ils ont tous écouté ces shows-là comme moi quand j'étais jeune. Fait que tous les jokes qu'ils font là-dedans, ben, moi, je les trouve tordantes parce que c'est vrai, c'est drôle. Qu'est-ce que je te dis? C'est de mon époque. Et toi, Antithèse, qu'est-ce que t'en pensais de cette série-là? Écoute, là, dans le fond, c'est avec toi, entre guillemets, que j'ai revu, si on veut, les premiers épisodes. Les premiers épisodes, c'est sûr que ça donne toujours un « oh boy ». À quoi qu'ils pensaient, ils pensaient pas quand ils faisaient ça concrètement dit. Cependant, ayant vu les épisodes plus tard, avant d'avoir vu les épisodes en français, je peux te dire que c'est de plus excellent, de plus en plus drôle. Ça s'améliore. Avant, c'est de plus en plus drôle. Ah oui, c'est sûr. Il y a plus de références de la pop culture aussi. Au niveau de la construction, la conception des gags, les premiers épisodes, pourtant, Seth Green et toute leur équipe, c'est pas des cons, là. Même si la moitié travaillait déjà pour Family Guy. Que d'autres non plus, c'est pas des cons, parce que autant Family Guy que ce qui est devenu Robot Chicken, côté écriture, il fallait qu'il y ait quand même une structure à suivre pour que le gars qui pourrait trouver sa plate reste accroché. Fait que, mais ce qu'on a vu, non, c'était comme on l'a souvent dit, on s'est juste beaucoup surpris les gens à dire que c'était de la violence gratuite pour le principe de faire de la violence gratuite. Eh bien, ça, je suis vraiment heureux de te dire que même ça s'est comme calmé, ça s'est amélioré plus tard. Fait que moi, je dis, la saison 1, c'est vraiment pas la meilleure. C'est pas la meilleure. T'as beaucoup de hits, mais t'as également plus de miss. Est-ce que tu partages le même avis, Alpha? Oui et non, là. Écoute, moi, j'ai jamais rien vu d'autre de Robot Chicken que la saison 1 qu'on a vu ensemble, là. Moi, j'ai absolument rien contre la violence gratuite, les insultes, puis la... Non, j'ai rien contre ça, je le pratique moi-même dans mes shows. Mais... non! Il faut que ce soit drôle, genre. La violence gratuite, si c'est pas drôle, ben... c'est juste boring. Fait que je dirais qu'au début de la saison 1, c'était la surprise. J'avais jamais vu ça. Fait que là, j'étais comme... Je découvrais le principe. Je trouvais ça drôle, OK? Il y avait une couple de bonnes blagues. Mais au fur et à mesure que la première saison avançait, je trouvais que... On avait l'impression qu'il s'essoufflait, là, qu'il manquait d'idées. Puis là, ça tombait vraiment dans la violence gratuite, mais elle était plus drôle. C'est rendu comme... OK, c'est beau, mais pas drôle. Ça, c'est mon avis. Fait que c'est correct, là, mais disons que je couvrirais pas pour en écouter d'autres. Pour ce que tu as vu en ce moment, tu t'attends à mieux. Mettons que quand on a fini la première saison, on a écouté les 6 premiers épisodes. OK, les 6 premiers. Il y a la saison, je pense qu'il y a 24 épisodes pour... C'est ça, elle est beaucoup plus longue. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas tout vu. On a vu que les 6 premiers épisodes de 10 minutes chaque, mais ça nous a permis quand même de pouvoir expérimenter un petit peu le monde de Robot Chicken. Et moi, mon impression, c'était très très différent comparé à ce que j'avais auparavant, parce que moi, avant, je choisissais les clips que j'écoutais sur YouTube. là, j'écoutais des clips qu'on va écouter normalement à la télévision. Et c'est là qu'on se rend compte que Robot Chicken a du très bon stock, mais du stock merdique aussi. Je pense de cet avis-là. Par rapport à. Il y a des épisodes où les jokes sont très bonnes, comme disait Alpha. On part à rire, la joke est efficace, ça marche, mais des fois, il y a des petits problèmes de montage ou bien de direction artistique. Je pense par exemple à l'épisode où est-ce qu'on voit Voltron. Je sais pas si vous vous en souvenez. Vraiment le concours de breakdance entre Voltron et une bébête extraterrestre X qui dure 3 minutes. Sauf que la joke vient pas. C'est ça que j'ai trouvé plat. La joke, c'était des années 80, tu avais beaucoup de breakdance. Oui. Ouais. Et encore. Et voilà. Moi, il manquait de quoi? Il manquait de quoi pour me faire partir à rire? J'avoue, je suis pas de la même année, je suis pas dans les mêmes âges que Rétro. Moi, je suis fin vingtaine, mais il y a des choses que j'ai pas... j'ai connu quand même Voltron, j'ai connu E-Man, j'ai connu toutes, je les ai toutes vues aussi, mais les jokes m'ont comme pas saisi comme il aurait fallu. Mais sinon, il y avait des excellents jokes, je pense au premier épisode avec Aquaman, que il essaye de montrer ses pouvoirs, puis ça marche pas en tout, il est même pas capable de faire léviter de l'eau, pas capable de parler à un poisson, c'est comme, ça c'est drôle, ça c'en est une bonne joke. Qu'est-ce que... Non, pas ça. Traduction française, je vais y aller avec Antithèse puis Alpha. Vous avez pensé de quoi de la traduction? Horrible. Moi, je t'avoue, j'ai pas focusé là-dessus pantoute. Fait que je suis neutre, là. J'ai pas porté attention. Okay. Si ça n'a même pas été de chercher la traduction française, là, c'était vraiment comme laissé à plat ou... Mais là, ça n'a pas fait c'est notre job non plus. Ça t'a pas affecté finalement, parce que tu veux pas, t'as pas écouté la version anglaise. Non, Moi je l'ai écouté puis je me suis rendu compte qu'il y avait des jokes qui manquent, la traduction était moffée. Puis c'est un problème souvent que j'attribue à plusieurs séries d'humour qui viennent ici au Québec. Des fois les jokes sont tellement mal traduits que le punch est scrappé à cause de la traduction. Puis on en avait là-dedans, il y avait des jeux de mots, puis ça marchait pas. Ça n'était pas là la joke parce que la traduction était moffée. J'ai trouvé ça quelquefois pénible, surtout avec un français de France, ça apparaissait dans le voix là. Moi je m'attendais, moi je vous avoue franchement, au début je pensais que la version était traduite au Québec. Ça j'aurais vraiment aimé entendre une version québécoise de Robot Chicken. Pas me faire un Family Guy où ils font passer toutes les saisons en français de France, puis à un moment donné, finalement, je vais vous en faire passer en québécois. Puis là, t'es tout mélangé dans les voix de personnages. Moi, j'ai jamais trippé à faire deux versions. Pour ça que aussi la version québécoise de South Park a tellement crashé. Elle n'a jamais eu lieu, là. Ben, je dis, il y a comme deux épisodes, ça va me tomber, là. Le film de South Park a été traduit... a été doublé en français, c'est-à-dire. Oui, le film est correct, mais je parle de la version qui est passée à V, là. Mais m'a dire de quoi, Ben? Un doublage fait en une journée, montage inclus, pas pire. Ouais, c'est sûr. Est-ce que c'est une série que vous allez continuer à écouter? Bon, non, en anglais, puis sélectivement. Sélectivement? Écoute, il y a peut-être un segment que je pourrais regarder, okay, que j'ai un goût de m'arracher les yeux en le regardant, et pourtant, je ne me tannerai jamais soit des jokes sur Star Wars, soit du segment d'à peu près 5 minutes, où c'est que Bob Barker devient un vigilante, puis castre les chiens pour finalement faire une confrontation finale contre Snoop Dogg. Moi, j'aime bien les sketchs avec les Transformers. Il y en avait un moment donné, c'est Optimus Prime qui a le cancer de la prostate. Là. Oh oui! Oui, c'est là, on l'a vu. Tu vois, c'est un de ceux qu'on a trouvé drôle, tout le monde. C'est genre, ceci est un clip. Bon, je n'ai pas de prostate parce que je suis un robot. Bien vous? ça, c'était quelque chose, tu sais. C'était bon. Toi, Alpha, est-ce que tu penses le réécouter, cette série-là? Non, malheureusement, c'est vraiment pas dans mes plans. Non. No. Et toi, Retro, tu vas continuer à suivre la série en anglais encore? C'est sûr. OK. On va aller voir un peu ce que le monde jase en ce moment sur YouTube par rapport à la série. Lloyd nous dit « C'est un peu difficile de faire des jokes à la chaîne et d'être drôle. » Drôle, probablement drôle. Drôle, hein, tout le temps. C'est sûr. Mais il ne faut pas oublier que c'est surtout des petits sketchs, des fois, qui ne durent même pas 3 secondes. Oui, ces sketchs-là sont bons, mais des fois, il y en a qui sont trop longs. Je parlais, par exemple, de la scène de Voltron où c'est 3 minutes. La joke vient pas. C'est long. Moi, j'aime ça court. Short and sweet. Coupage, montage, bien fait. Oui, mais une joke, c'est supposé d'être comme d'un build-up, puis le punchline, il est split. Ouais. C'est pas ton build-up est comme ça, puis ton punchline, il est tout le reste du 3 minutes sur 4 minutes, là. Mm-hmm. C'est dans là, c'est plus quoi, c'est plus comment le prendre. autre chose, sinon pas ça. Pas grand-chose, hein, ça. Bon. Non, je pense que le monde a comme plus ou moins vu. C'est une série qui est méconnue, surtout pour les francophones, à mon avis. Ah, OK. Philippe Saint-Jean dit « J'ai vu des épisodes en anglais sur la série Robot Chicken et je sais que la VF de Robot Chicken est doublée en Belgique. Et on dirait qu'avec les Belges, c'est trop difficile avec eux. » Oh my God. Peut-être. Ça se peut. Je ne parle rien en français, donc je ne sais pas. Kevin Doré dit « Mon préféré, c'est le clip de Dragon Ball avec Robot Chicken. » Le conte de Père Noël, c'est vrai que c'est le conte de Père Noël, sûrement. Il y en a plusieurs, là, ça. Il y en a plusieurs. Moi, c'est la shot où. Moi, c'est le spécial Star Wars où tu vois l'empereur t'es en train de rire avec deux conseillers, puis à un moment donné, il reçoit un téléphone, c'est Darth Vader qui est comme poigné dans l'espace. Oui. Puis, il arrête pas de sacrer au téléphone. Puis de le traiter, genre, de faire comme. Tu sais, là, t'as. Ah non, je m'en souviens tellement plus de la joke, là. Ah, je me sens mal, faut que je le réécoute. Il agit comme s'il était l'agent de Darth Vader, mais bout, là. Puis, en tout cas, en anglais, là. Ouais. Ça fait ça. Puis là, il est en train de dire, calme-toi, là. On va s'arranger. Puis là, il raccroche, puis là, il regarde l'autre, puis il dit, c'est une crise de bébé de marbre. Carrément. C'est ça. Ouais, il arrêtait pas de brailler, genre, au téléphone, là. T'admets même plus, puis. Ah non, la shot avec. Ouais, c'est dans celle-là, parce que t'as. Darth Vader qui se fait hanter par le fantôme de... Non. Tu vois, Darth Vader, il retrouve... comment il s'appelle? Le petit bébite dans Star Wars 1. Laquelle? Celle que tout le monde a eu. Jar Jar Binks. Puis Jar Jar Binks, Darth Vader est tellement tabarnak, il est plus capable de le sentir. Ouais. Puis il est tellement plus capable de le sentir, il crisse dans le stas, tu vois Jar Jar Binks, il est rendu dans l'espace, sauf que c'est le fantôme de Jar Jar Binks qui revient hanter Darth Vader après, et il est comme poigné avec pour la vie, c'est comme trop joke. Mais moi j'aime celui-là avec, pour ceux qui sont sûrement à tête, il y a l'espèce de nerd, là, les geeks, là. Puis, oui. Puis, tu sais, Money, il s'endort sur le livre de Oz, puis là, ça retrouve au pays de Oz, puis c'est lui qui est Dorothée, puis là, il trouve que les personnages sont tellement lame qu'ils changent, genre, le bonhomme de métal, là, c'est Optimus Prime, puis... Oh, man! C'était quelque chose. C'était vraiment cool. C'est mon rêve, j'ai le droit d'avoir les personnages que je veux, puis... je regarde rapidement. On a aussi Retro Nouveau qui nous dit qu'il adore Robot Chicken. C'est du génie. Ben, c'est ça. C'est bon. Il y a des épisodes qui sont bons, mais ceux qu'on a écoutés, les premiers, un petit peu moins. Ouais, ça s'est amélioré avec le temps. Sûrement ça s'est amélioré. Puis probablement, on va peut-être revenir l'année prochaine avec un autre épisode de Robot Chicken. Puis on va dire, ah, finalement, c'est du génie. Mais les premiers, un petit peu plus tough à passer. Surtout la shot, on jasait ça hier, Alpha, avec les enfants cubains. Ouais, quand Walt Disney se transforme en bouffeur d'enfants cubains, là, ouais, c'est. Ouais. On s'est tout regardé, c'est comme. Moi, je l'ai ri, celle-là. C'est... Mais sur le coup, c'est drôle. Sur le coup, c'est drôle. Ouais. C'est what the fuck, ok, c'est drôle, cool. What mais quand ça s'éternise, puis là, ça revient, puis il se passe, c'est comme. C'est beau, là. On l'a compris à joke, là. Fait que c'est ça, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Est-ce que j'en ai manqué, mon cher Antithèse? Je ne penserais pas, en fait, non. D'accord. Alors, avant toute chose, ben si vous voulez écouter la série Robot Chicken, ça va jouer à partir du 5 septembre à 22h30 sur les ondes de Télétoon Canada pour nos fans pour les fans canadiens. Sinon en France, je sais pas où ça passe. Je suis désolé, je me suis pas renseigné. Et sinon, ben c'est ça. Moi je vous recommande de l'écouter, mais les premiers épisodes que vous allez écouter, allez-y. Avec modération. Avec réserve, oui. Parce que ça va s'améliorer, selon moi, avec le temps. Les jokes sont là, manque juste... Je pense que c'est l'expérience qui rentre après, puis ça peut être vraiment bon. Après. C'est comme l'idée aussi au début, c'est le fait que... Pourtant, je vais revenir une seconde. Antithèse, continue. Je vais juste te laisser le micro quelques secondes. Il faut juste que j'aille chercher quelqu'un. Okay. J'allais dire... vous pensez au fait que Seth Green et compagnie, ben, ils ont d'expérience en écriture, fait que c'est pas des deux trucs. C'est pas de deux de pique, non. Pas de deux de pique, mais pourtant, de ce qu'on a vu, puis bien sûr, les prévisions de Robot Chicken manquaient énormément de qualité parce qu'ils mettaient justement trop sur la longueur. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'au début, c'était bien, c'était la surprise, et les sketchs s'enchaînaient, mais je trouvais que plus on avançait, plus ça s'allongeait, puis là... C'est ça. J'avais l'impression que ça manquait d'idées avec la fin. Là, fait que ça m'a laissé un goût amer. J'ai pas trop le goût de continuer à l'écouter. Là. Puis peut-être aussi, comme Rétro disait, si tu veux pas, ça prend un certain âge pour apprécier ça, pour pogner les gags puis tout ça. Moi, je veux pas insulter personne, là, mais je suis le petit jeune de la bande ici, là, fait que j'ai peut-être pas connu c'est ça sûr autant que les ouais, autres. Il y a beaucoup de références que t'as pas connues, là. Non, c'est ça, là. Je suis d'accord avec toi. D'ici là, ben écoutez, dernière petite annonce avant de vous quitter. On quitte déjà? Mais oui, on doit on quitter. On a parlé de plus de nouvelles que du sujet principal. Est-ce que t'avais d'autres choses à nous jaser du sujet? Mais non, mais. Ben, c'est ça. T'as qu'à tous mettre tirer le show pendant une demi-heure. Là, ouais, on peut aller en freestyle pour dire n'importe quoi. Ben, hein, oui, ça aussi, ça se fait. Là. On l'a déjà fait. C'est bon, là-dedans, de toute manière. Plutôt. Ouais, ben, on n'a pas Patrick Archambault avec nous autres pour allonger le podcast de 2 heures, par exemple. Ouais, on n'a pas 2 heures, là, mais. Allonger le podcast de 2 heures. On peut enchaîner sur un autre sujet. OK, ben on peut rajouter... la première personne sur le chat, ben, sortez-nous des sujets, puis on va regarder ce qu'on va jaser. Posez-nous des questions. En attendant qu'on ait des questions puis des sujets, j'ai une question, moi, à poser à tous nos auditeurs. Oui. OK? Go. Moi, là, OK, à toutes les semaines, je reçois au moins 10 courriels qui me demandent de faire des reviews de Skylanders. Pardon? Tu es l'ambassadeur officiel de Skylanders. Pour que t'ailles acheter un Monopoly de Skylanders, vraiment. J'espère un courriel par mois pour faire un jeu rétro. OK? Mais là, je veux savoir, voulez-vous vraiment que je fasse une vidéo par semaine sur un Skylander? Laissez-nous ça en commentaire YouTube ou bien si vous nous écoutez en audio, vous pouvez envoyer les courriels à accrodesjeux@commercialgmail.com. Je les ferai transmettre personnellement à Sylvain. Qu'est-ce que t'en penses? Ben ouais. Salut. Que donc? Ouais. George VI nous demande de jaser de Lindsay Lohan. Non, c'est correct. De Lindsay Lohan? Non, mais on peut jaser de son... son équivalent moderne, là, c'est-à-dire... Miley Cyrus, ouais, c'est ça. Ouais. Oh, vous avez entendu Marie? Miley Cyrus, au bas des points, moi, je rigole. J'ai des enfants à Mother Bird, moi. C'est vraiment dégueulasse. Mais c'est quand même impressionnant à quel point cette vidéo-là, ça a fait la buzz. Je veux dire, écoute, des petites filles de 20 ans qui se frottent, me semble que oui. c'est pas la première, là, tu veux dire... Oh, man. Ouais, mais en même temps... Ah, mais elle veut la populaire. What the fuck? Ouais, dans mon temps, c'était Britney Spears, puis c'était sur Shakira, puis c'est ça. Oui, puis, mais là, je veux bien, grave, là, mais non? Juste regarder la face de la famille à Will Smith, là, t'es... Ouais, ça vaut tout l'or du monde. T'sais, ça dit tout, ouais. Là, ça dit, c'est le gros what the fuck! What the fuck! Ici, on a Kevin Poudrier qui me demande entre Dragon Ball ou Naruto, c'est lequel qui est meilleur entre les deux? Naruto. Sailor Moon. Sailor Moon? Hey, on fait un crossover entre Naruto et Sailor Moon. Eh, my! Dragon Ball, c'est pas le fun. C'est même si j'aime l'artiste, parce que c'est quand même l'artiste principal de Dragon Quest, là. Moi, j'adore. Les histoires de Dragon Ball sont proches. En tout cas, le peu d'émissions que j'ai fait. C'est les que t'as écouté ou bien c'est les jeunes? Hein? Quelle version t'as écouté de Dragon Ball? Ben, je suis dessus, moi, Chris. J'ai écouté 3 épisodes de Dragon Ball, puis c'était juste. J'ai été attaqué avec mon attaque super puissante. Oh non, tu m'as pas tapé dans l'ensemble. Avec les retour de la pause. Un moment donné, il est puissant. Oh, il est encore plus puissant. Il est encore bien plus puissant. Ça ne finit plus. Il y a le syndrome de Superman. Puis c'est marqué dans le prochain épisode. Ouais, mais en parlant de ça, Antithèse, t'as-tu vu la fête qu'ils ont fait dans Death Battle entre Superman Dragon Ball? Ben oui, j'ai fait des Death Battle, puis j'ai été crampé de rire du début à la fin. Écoutez. Désolé, on fait le peu pour un autre site. Sur squaretac.com. Pas grave, c'est... Superman contre Goku, c'était hilarant. Ça en était quelque chose. J'adore les Death Battles qui sortent sur eux autres. Là. Ils sont tellement détaillés. Ils vont vraiment chercher des points. Bon. Ah, ils sont très bons. Sérieusement, si vous n'avez pas vu encore un Death Battle, je vous recommande d'aller checker ça. Il y en a un qui a... Moi, à un moment donné, c'était un temps marathon. Puis écoutez, l'évolution est énorme. Parce qu'on s'entend qu'il y a en fait... Le dernier qu'ils ont fait, c'était Shao Kahn contre... Shang Tsung. Shao Kahn versus Bison. Bison, oui. Bison. Puis un que j'ai bien aimé, celui dans mes préférés, c'est Batman contre Spider-Man. Lequel? Batman versus contre Spider-Man. Il disait quelque chose lui aussi. Y en a un qui a été fait sur les Ninja Turtles. Oui, les quatre tortues qui s'affrontent. C'est vraiment très bon. Si vous avez la chance, là, vous avez quelques minutes à soir, allez voir là-dessus sur YouTube. Vous allez vraiment triper. Si vous êtes des gros geeks comme nous autres, là, vous allez trouver un Death Battle qui va vous intéresser, c'est sûr et assuré. Ils ont déjà fait Mario contre Sonic, point, en bataille. Qui gagnera entre les deux? Et qui gagnera entre les deux? Pour ça, il faut aller voir la vidéo. Ouais. Mega Man. Ils n'en ont pas fait un encore de Mega Man, hein? C'est vrai, hein? Le prochain qui sort, c'est Strider. Il y a quand même dans les BD qu'il y a eu un crossover entre Sonic et Mega Man récemment. Oui. Mais en termes de bataille, c'était encore. Pas une bataille, là. C'était... Non, c'est ça. Là, ils se battent là-dedans. C'est un team-up épique. Tu sais que vous m'étonnez contre Mega Man dans un Death Battle? Écoutez, si on a eu un... Il faut un robot pour l'affronter. Pas nécessairement. Samus? Tu Chris Kirby devant Megaman, puis il l'avale. Ouais, mais Megaman va le détruire à partir de l'intérieur. Non, mais ça dépend, là. Kirby va devenir Megaman Kirby. Ben... Non, pas Megaman Kirby. Ça dépend. Non. Puis, mais remarque, si c'est Megaman qui gagne, il va avoir le pouvoir de socker de... Oui, c'est vrai qu'on va en canon. Il n'y a rien de mal à ça. Non! Moi, je dirais Samus Aran. Megaman contre Samus Aran. Moi, je verrais plus Megaman X contre Samus Aran. Ouais? Là, ça serait épique. J'avoue. Zéro contre Luke Skywalker? Ils ont déjà fait un Death Battle, Luke Skywalker contre Harry Potter. Ouais, c'est vrai. Ils ont déjà fait un Death Battle entre Rebecca Black et Justin Bieber. Ouais, ça c'était quelque chose. C'était vraiment drôle. Ah, en passant, Il faut qu'on vous raconte ça, le testeur puis moi, on a vu ça hier. Dans les vidéos de douteux, il y avait une vidéo qui s'appelait Sunday. Oh boy. Je vous jure, c'était atroce. En gros, c'est une paroisse, une église random qui a payé pour faire une genre de... En fait, c'est pas une... Ouais, on pourrait appeler ça une parodie, mais ça se voulait pas être drôle. Une parodie ça se voulait catholique. Être sérieux, ouais. C'est une parodie de Friday de Rebecca Black, mais à la place, ça s'appelait Sunday. Sunday pour dimanche. Puis, ah bon? Ça, oui, ça promouvoyait. En tout cas, ça faisait l'éloge du dimanche matin. Il y avait hâte au dimanche matin pour aller à la messe. Puis toute la toune, ils ont changé les paroles puis pour faire paraître l'église super bien. Bref, c'était à se pisser de rire dessus. Vous aviez pas c'était idée. C'était quelque chose. Puis eux autres étaient full sérieux là en plus là. Ah, mais attends, ouais. Faudrait trouver le lien de ça, ça n'a pas d'allure. Ah, on va trouver ça à tout le monde là. Une autre vidéo qu'on a ri hier, moi j'ai bien ri, c'était une vieille pub québécoise où tu voyais des enfants, tu sais, ils faisaient une action, une super bonne action, puis les parents rabrouaient. Puis c'est même pendant 30 secondes. Puis là, t'entends une voix off en arrière qui dit: vous devriez complimenter vos enfants lorsqu'ils font une très bonne action. Fait que là, tu comme, à la fin, tu vois un petit enfant. Hey, j'ai eu un A! Hey, félicitations, mon garçon! Après ça, c'était une présentation des Mormons! L'église des Mormons qui s'est payée une pub! Ah bon? D'accord. C'était tellement comme, what the fuck? Non. Juste non. Yeah. On en a vu plein hier. C'était quelque chose. T'sais, voir les games de mini-potes des années 90, on riait, là. T'sais, tout le monde avec les petites moustaches, là, ça de l'euro, là. Ou la toune indienne. Le gars qui disait... My life. It's my life. Non, c'était vraiment une autre toune genre It's my life. Non, c'était affreux. C'était fait par un Indien, genre sa femme. Puis t'avais aussi une vidéo de deux jeunes, genre de 10-12 ans, là, avec des carabines à plomb puis des guns. C'était I'm the biggest motherfucker. I'm the baddest of them all. Puis il avait 12 ans avec des lunettes, là. Tu pointais le gars, tu sais, genre la caméra avec un gun, là, c'est comme, yeah, man. Bref, c'est plein de beaux vidéos. Ouais, c'est ça. Wins. Et on a fini ça avec Street Fighter de film, de movie. Mais quelle atrocité! C'est atroce comme film. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, Zachro, là, ce film-là, là, Street Fighter. Mais c'est vraiment dégueulasse. Bon. Sinon, à part ça, qu'est-ce que j'en jase? On jase pas bien. Il y a Sylvain Langlois qui dit Skyland 2. C'est un rétro, ça arrive. Fait que là, je suis fucked. Skyland 2 ou Disney Infinity. Et Francis Pedro répond les deux. Non! Oui, fais les deux. T'es-tu malade? J'achète pas Disney Infinity, j'en ai rien à foutre. Non, fuck that! Fuck Disney Infinity! Fuck that! Pourquoi? Je vais en avoir plein les bras avec ce calendrier Spotfox, là, qu'est-ce qui va sortir, là, c'est en... des choses. T'es aussi un robot chicken. Pourquoi encourager un mangeur d'enfants cubains? Non, c'est vrai! C'est vrai. Alors, Walt Disney est un mangeur d'enfants cubains. Ça répond tout. On va quand même finaliser le podcast ici. Oui, on va finaliser ça ici. On avant toute chose, dernière pub pour d'abord le Comic-Con qui s'en vient dans pas long. Ah oh, oui. C'est dans pas long pour ça. Dans à peu près deux semaines. Mm. Venez nous voir. On va être présent. Toutes les accros vont être présents au Comic Con cette année, qui aura lieu le 13, 14, 15 septembre. Venez nous voir. On a un kiosque de accros des jeux et un kiosque testeur alpha. On est à côté. Fait que c'est le temps idéal. Vous voulez nous voir? Venez nous voir. Ça va nous faire plaisir. Vous voulez qu'on vous fasse des autographes? On va le faire. Il va y avoir des t-shirts à vendre de testeur alpha. Il va y avoir des pixel art. Si vous voulez des pixel art qu'on met sur les Facebook, c'est le temps de venir les chercher là. Ou si vous voulez me passer une commande, envoyez un message sur le Facebook privé des accros, puis on va vous répondre. On va vous en faire parvenir des pixel art. Rappelez-vous que le financement du site se fait à partir des pixel art. Donc, si vous en voulez un, juste à nous le commander. Puis moi, je vais me promener toute la journée du 14. Donc, puis je vais avoir deux slimes de Dragon Quest et les épaules. S'il y a un gars de deux slimes de Dragon Quest sur ses épaules, ben c'est rétro gamin PQ. Puis si jamais vous voulez le rencontrer, juste à lui envoyer un message privé, puis au pire, vous venez nous rejoindre au kiosque. Nous autres, on va être ultra bien visibles. On est dans la première rangée en plus des artisans. Fait que on est super bien placés. Alors, Antithèse, comment on peut te rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre sur antythes@yahoo.ca ou gmail.com ou encore @accrodesjeux.com. On peut également me rejoindre, meilleure façon, sur le forum des accrodesjeux.com parce que c'est là qu'on rencontre tout plein de gens intéressants, cool et captivants. Surtout avec le forum, il faut le remplir! Là, j'ai dit. Alors, Sylvain, comment on peut te rejoindre sur les internets? Par ma page Facebook, vous pouvez vous inscrire, dire que vous aimez ma page Facebook, parce que j'ai besoin que le monde m'aime. Puis, puis vous pouvez le faire à travers mon channel YouTube. Puis, ben, le forum des accros que je préfère, c'est sûr. Écoute, le rétro, si tu veux absolument que les gens t'aiment, là, porte un insigne de Free Hog, là, c'est immanquable. De quoi? Le monde va t'aimer. Free Hug. Une pancarte Free Hug, comme Marie. Ben, si c'est des belles filles qui viennent, ok. Ben, la convention, c'est tout le temps plein de belles filles, intro. Oui, je sais, j'en prends souvent des photos. Bon. ouais, mais ça va peut-être te donner une chance d'avoir un câlin de Jessica Negri. Ah. Ça va se faire automatiquement, c'est ça, je vous le dis. Oh, tabarnouche! Oh, tu te sens très confiant, mon ami. Ah! Checkez-moi bien. On veut ça sur le vidéo, hein, t'as averti. Je vais faire un high five, puis je vais faire un hug, comme elle l'a demandé, à un moment donné, dans ses posts sur sa page Facebook. Ah, bon yes. Point. À ce moment-là, t'es sûr, hein. Alpha, comment on peut te rejoindre sur Internet? Plusieurs façons. Évidemment, la meilleure, c'est sur le forum des accros des jeux. On a un tout nouveau site avec un tout nouveau forum. Il est là. Il faut en profiter. Fait que venez nous rejoindre. Vous pouvez me rejoindre là, sur ce forum-là. Sinon, sur mon site internet www.testeuralpha.com. Sinon, ma chaîne YouTube, mon Twitter, mon Facebook. Bref, j'accepte tout le monde. Fait que voilà. De mon côté, il y a plusieurs façons également de pouvoir me contacter. Je suis préférablement sur le forum des accros des jeux. Donc, venez faire votre tour. Le forum, il est nouveau. Il y va super bien. C'est garanti 100% Retro Gamer PQ. Parce que c'est quand même lui qui l'a aidé à programmer. Alors, il y a son saut de qualité dessus. Faudrait que je fasse un logo avec ta face puis je mette ça en étampe, ça serait le fun. Sinon, on passe à plusieurs autres façons. Il y a également le Facebook des accros des jeux. On est rendu à 276 j'aime. Alors, venez aimer la page des accros des jeux. Il y a également le Twitter des accros des jeux. Oui, excuse. Il pense qu'il manque juste un j'aime pour un autre. Non, tempo. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Ouais, j'ai fait tirer le jeu vendredi à minuit 2, genre. Oh, wow. Ouais. Alors, il y a également le Twitter des accros des jeux, à commercial accros des jeux. Il y a également le courriel des accros des jeux, accrosdesjeux@commercial.gmail.com. Et sinon, pour ce qui est de mon Facebook personnel, je reçois du monde. Là, je vais cacher d'une. Ok. C'est revenu. Il y a des fans des accros qui me rajoutent. Je vais taire leur nom parce que c'est des vraies personnes cette fois-ci. C'est pas des robots, c'est pas des arnaqueurs. Parce que je vous connais. Tant aussi longtemps que je ne vous ai jamais rencontré, je ne vous accepte pas. Alors, important, s'il vous plaît, mon Facebook privé à moi, abonnez-vous pas là-dessus. Il y a une autre page qui s'appelle Accro des jeux en nom de famille, qui celui-là est pour moi. Donc, si vous voulez venir jaser avec moi, allez à celui-là, c'est là que je vois le plus souvent. Puis vous allez pouvoir avoir la chance de venir me rencontrer, il n'y aura aucun problème. Ou sinon, sur le Facebook des accros, je suis là à tous les jours. Et d'habitude, si je poste de quoi sur Facebook, je le poste également là-dessus. Alors, c'était le podcast des accros des jeux de l'édition du 27 août. Merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés cette semaine. Merci à la gang sur YouTube qui sont venus nous rejoindre. Merci d'être venu malgré les problèmes. Ça fait 3 fois j'ai dû poster le lien parce que ça marchait pas. Là, ça marche. Merci beaucoup d'être venu. Je vais dire rapidement ceux qui sont venus. Lloyd, George 6, Rad, Francis Pedneau, Trinity, Kevin Doré. Sinon, à part ça, on a... je regarde rapidement parce que je veux pas... Cidring, merci beaucoup. Rétro Nouveau, merci beaucoup. Allez voir leur page Facebook et YouTube. Philippe Saint-Jean. Et c'est à peu près ça. Je vous dirais, je suis désolé si je vous ai oublié. On se revoit la semaine prochaine, mardi prochain, pour un autre podcast des accros des jeux. C'était le Big Ben. C'était Antithèse. Rétro Gamer PQ. Et Testeur Alpha. Pour le podcast des accros. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la prochaine. Bye bye.